Et tout de suite, c'est Raymond Poirier qui est avec nous pour parler technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, au menu, on va parler d'événements à venir. On va parler d'événements à venir. En fait, un bel atelier qu'on prépare pour mercredi le 8 mai prochain à 19h au Cercle. Une activité gratuite ouverte à tous où on va aller explorer une application qui s'appelle Parallèle. Une application qui, par ailleurs, vient d'être mise en nomination aux Octas dans la catégorie environnement d'apprentissage. Une application qui nous amène à apprendre la physique, à découvrir des concepts de physique grâce à la réalité augmentée. Donc, quand même une approche assez intéressante et novatrice. Et pour explorer justement un peu cette application-là, son origine, son développement, eh ben, on a avec nous au bout du fil, elle est professeure au département des sciences géomatiques à l'Université Laval et elle est à l'origine de ce projet-là, développé entre autres avec le CIMI et le Cégep de Sainte-Foy. Sylvie Daniel, bonjour. Bonjour. Et peut-être, en fait, commençons par les définitions. On a parlé de réalité augmentée. Donc, quand on dit ces termes-là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, la réalité augmentée, le principe est assez simple. C'est qu'on cherche à incruster dans la réalité des éléments, souvent graphiques ou textuels, qui vont venir s'insérer justement dans ce monde réel de telle manière qu'on a l'impression qu'ils en font complètement partie. Donc, on vient enrichir la réalité avec généralement des informations supplémentaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et nécessairement, on imagine que des dispositifs comme ça deviennent de plus en plus intéressants dans le contexte où il y a de plus en plus de dispositifs mobiles, les iPads, iPhones, téléphones intelligents et autres qui nous permettent d'accéder à ce type de représentation-là. Absolument. Au début de la réalité augmentée, en fait, la difficulté qu'on avait, c'était surtout d'avoir tous les éléments technologiques nécessaires à la mise en œuvre de cette réalité augmentée. Puis c'était souvent des dispositifs différents. Et donc, il fallait assembler tout ça. Et puis on avait généralement la possibilité de mettre tout ça ensemble à l'intérieur, je dirais, d'un sac à dos. C'était à peu près le volume des appareils qui étaient requis. Et avec l'avènement notamment des téléphones intelligents, on a à la fois le GPS, la caméra, tout ça au sein d'un petit appareil tout miniaturisé, c'est bien plus facile à mettre en œuvre et puis c'est aussi beaucoup plus accessible au niveau du grand public. Et en même temps, vous l'avez dit, Sylvie Daniel, c'est pas une technologie qui est nouvelle, donc il y en a eu plusieurs itérations au fil des années. Et donc, ce qui fait que quand on développe aussi un processus lié à la réalité augmentée, nécessairement, pour que ça soit utile, pour que ça soit intelligent, entre guillemets, il faut aller au-delà justement de simplement le gadget, simplement l'utilisation de la technologie. Absolument, et puis c'est un petit peu justement les aspects maintenant qui sont explorés dans la réalité augmentée. Il y avait tout le volet technologique qui était les premiers développements associés à cette réalité augmentée, mais maintenant on explore quels sont les domaines qui pourraient bénéficier de cette technologie-là, et puis surtout en les utilisant, comment se fonctionne en fait le processus, où est-ce qu'il vient s'insérer et apporter quelque chose aux technologies existantes. Donc il faut le mettre en œuvre dans de nouveaux domaines comme l'éducation, mais c'est pas le seul, et puis bien comprendre où se fait vraiment la plus-value de cette technologie. Et dans le cas de Parallèle, c'est justement le domaine de l'éducation qui a été le domaine que vous avez ciblé pour l'application de cette réalité augmentée-là, et plus précisément, vous avez été vers la physique. Alors, pourquoi ce choix-là? Ça résulte en fait d'une consultation aussi avec les professeurs du Cégep de Sainte-Foy, où au démarrage du projet, on s'est réunis et puis on a essayé justement de cibler quels étaient les domaines qui pourraient bénéficier le plus de cette technologie-là. Et au vu aussi des résultats obtenus par les étudiants dans ce domaine de la physique qui est réputé difficile, eh bien, on a vu tout de suite que d'une année sur l'autre, les résultats étaient pas à la hauteur des attentes, et puis le contexte aussi du domaine de l'électromagnétisme, on fait appel à des particules, des éléments qui sont vraiment très abstraits et intangibles, ça se prêtait vraiment bien au concept de la réalité augmentée. Et peut-être pour nous donner un exemple concret, comment on peut s'en servir dans la physique? Eh bien, la manière en tout cas dont nous on l'utilise, c'est qu'on fait visualiser explicitement aux étudiants comment des particules, des électrons entre autres, se propagent dans un champ électrique ou dans un champ magnétique. Donc on leur fait voir réellement en 3D, puis suivant les concepts qu'ils ont vus en classe, comment ces particules-là se déplacent et puis quel effet une force électrique, magnétique appliquée sur ces particules va produire. Et donc ils peuvent le voir, ils peuvent ajuster ces champs magnétiques, ajuster les forces et voir immédiatement quel impact ça a sur les particules. Donc ça nous renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on est loin du gadget parce que ce sont des processus, des réalités qu'on ne pourrait pas voir sans la réalité augmentée. Disons que les processus ou les instrumentations nécessaires pour le voir réellement sont assez limitées et puis on n'en dispose pas forcément en nombre suffisant pour alimenter tous les étudiants et puis le type d'interaction aussi qu'on peut avoir est lui aussi ou aussi est limité. Donc en passant par la réalité augmentée, on a à la fois la possibilité d'offrir un contexte d'expérimentation à tous les étudiants et ils peuvent vraiment aller mettre en relation tous les tests qui vont leur faire comprendre toutes les notions vues en classe et puis de le voir concrètement mis en œuvre et ce sont eux qui manipulent. Oui, parce qu'il faut dire aussi tout ça et par l'application parallèle, donc c'est une application de réalité augmentée mais c'est aussi un jeu éducatif. Absolument, on voulait aussi passer par cet aspect-là du jeu éducatif, ce qu'on appelle le jeu sérieux, et donc qui cherche aussi à impliquer les étudiants dans leur expérience d'apprentissage, puis le plus possible sans qu'ils s'en rendent compte. Donc le domaine du jeu sérieux prend beaucoup d'ampleur et puis démontre effectivement qu'il facilite l'engagement aussi des étudiants dans leur processus d'apprentissage. Donc à la fois le jeu sérieux, à la fois la réalité augmentée, ce sont deux composantes qui peuvent, selon nous, apporter beaucoup à cet enseignement-là de concept qui est un petit peu austère. Alors, en fait, si on se figure un peu, donc on a parlé tout à l'heure des dispositifs mobiles, donc on arrive en classe, par exemple, avec notre iPad, notre tablette tactile, et donc comment on aborde parallèle, comment cette application-là en vient à apparaître à nous et qu'est-ce qu'on découvre justement à travers notre tablette? Donc, la mise en œuvre du jeu parallèle se fait au travers de ce qu'on appelle des marqueurs. Un marqueur, c'est comme une image qui a un motif particulier. Et donc, en visualisant ce motif particulier, cela va déclencher ce qu'on appelle l'augmentation et donc l'apparition des éléments 3D virtuels dans le champ de vue réel de notre tablette tactile. Dans la démarche de mise en œuvre du jeu parallèle, ce qu'on fait apparaître en premier lieu aux étudiants, c'est un cube de verre transparent. Mmh. Et puis, ce cube de verre est alimenté par un canon à particules. Donc, ils voient au travers du cube de verre comment ces particules se déplacent et puis modifient leur trajectoire sous l'influence d'un champ électrique, d'un champ magnétique. Puis une fois qu'ils ont bien compris justement toutes les notions relatives à l'électromagnétisme, on les met en situation où cette fois-ci ils ne sont plus face à un cube transparent, mais bien au contraire ils sont face à un coffre mystérieux, opaque, et qui contient à l'intérieur un certain nombre d'indices qu'ils doivent déchiffrer. La manière qu'ils peuvent le déchiffrer, bien c'est à nouveau à l'aide de ce canon à particules. Et il faut qu'ils pilotent eux-mêmes le champ de particules pour qu'ils viennent frapper ces indices. En frappant l'indice, ils peuvent visualiser un code et puis ce code leur permettra d'ouvrir une porte secrète. Donc, dans le fond, ils apprennent un peu en visualisant avec le cube, donc de quelle manière l'électromagnétisme fonctionne, c'est où ça va se frapper, comment on contrôle un peu, on peut contrôler ces flux-là. Et dans un deuxième temps, ben là, vous leur dites maintenant, vous l'avez vu, reproduisez-le, mais en respectant un contexte ludique, ce jeu-là, là, pour aller à une espèce de chasse au trésor, au bout du compte. Oui, absolument. Et puis, ils ont toute une phase d'apprentissage et de compréhension avant. Et puis, la démarche du coffre fait en sorte que l'approche par essai-erreur ne peut pas fonctionner. Donc, il y a vraiment nécessité au préalable d'avoir bien compris ces notions d'électromagnétisme et puis de piloter de manière consciente et non pas avec l'aide du hasard le faisceau dans la direction où on souhaite l'amener. Donc, ça doit être quand même un bon défi de mettre en œuvre ça parce que l'application, il faut le dire, en fait, elle existe, elle a été appliquée, elle a été utilisée au Cégep Sainte-Foy notamment. Et donc, il a fallu d'un côté développer les codes en lien avec la réalité augmentée, de l'autre côté, s'assurer aussi qu'au niveau de la physique qu'il y a là-dedans, que ça se tienne aussi scientifiquement. Absolument, et puis ce jeu-là parallèle, c'est vraiment le fait aussi de l'expertise de plusieurs intervenants, à la fois du Cégep de Sainte-Foy, du CIMI et de l'Université Laval. Et donc, on a pu bénéficier de l'expertise d'un professeur en physique du Cégep de Sainte-Foy qui a établi toutes les équations qui régissent la propagation des particules dans un champ électromagnétique. Et donc, sur la base de ces équations-là, ben, on a pu l'intégrer à la solution. Donc, on a un réalisme du simulateur qui est tel qu'il rejoint pleinement les concepts qui sont enseignés dans les cours. Et quand même, entre donc l'utilisateur et l'objet virtuel, il y a l'écran et c'est à travers l'écran qu'on en vient aussi à interagir avec l'objet. Absolument, et puis c'est ça aussi qui fait l'intérêt du jeu et puis qui a été aussi noté par les étudiants lors des expérimentations qu'on a menées en classe, c'est qu'ils ont apprécié justement cette interactivité. C'est non seulement voir, mais être capable de modifier et de voir immédiatement l'impact de leurs choix et de leurs actions sur ce déplacement des particules. Et l'objet, en fait, pour que les auditeurs auditrices se figurent bien, on parle d'un objet virtuel mais tridimensionnel, donc ça veut dire que et il va changer de look, si vous me permettez l'anglicisme, selon la position qu'on a face à lui. Donc, c'est comme s'il existait pour vrai, mais virtuellement. Absolument. Et puis, c'est ça, l'avantage de la réalité augmentée. C'est pas juste visualiser au travers d'un écran, mais on peut se déplacer, tourner autour de notre objet comme s'il était vraiment disposé devant nous et puis le voir sous tous ses angles en trois dimensions et observer vraiment le phénomène sous tous ses angles en trois dimensions. Et puis, c'est là où on amène une visualisation du phénomène qui serait différente de le visualiser au travers d'une vidéo, par exemple, projetée sur un écran ou même d'animation web, par exemple. Et Sylvie Daniel, les étudiants qui ont utilisé cette application-là dans leur cours de physique, comment ils ont reçu ça? Avec déjà beaucoup de surprises lors de la première manipulation, parce sûrement. Que pour beaucoup d'entre eux, déjà, la réalité augmentée, c'était une notion vraiment inconnue. Donc, de voir ces objets qui apparaissent soudainement devant eux, et puis de voir aussi tout la dynamique, puisque c'est quand même une visualisation dynamique, ça a tout de suite amené un attrait et puis un engouement pour aller voir justement ce qui se passe. Et puis, la dimension du jeu aussi a été assez favorable justement à ce qu'ils participent vraiment et pleinement au jeu. C'est que ils ont vu en premier la quête, ce qu'il fallait faire, et puis après, c'est sûr que les notions un petit peu physiques derrière, bon, c'est ça qu'ils sont venus à manipuler, mais avant tout, c'est la dimension ludique et puis l'attrait aussi graphique qu'a représenté la réalité augmentée. Et justement, enfin, on décrit tout ça aujourd'hui, mais c'est le genre d'utilisation, le genre d'application, il me semble, qu'on découvre mieux en expérimentant. Et justement, le mercredi 8 mai prochain à 19h au Cercle, essentiellement, vous conviez les gens à venir expérimenter, à venir essayer le jeu. Absolument, on souhaite déjà faire connaître un petit peu ce que l'on a fait, puis aussi faire connaître la réalité augmentée. Et donc la meilleure façon, là, surtout pour ce genre de technologie, ben c'est de le voir, puis c'est de le manipuler, et puis de se rendre compte justement de l'effet que ça fait de voir en réalité augmentée. Donc c'est sûr qu'on souhaite avoir le plus de monde, aussi bien des personnes qui peuvent être intéressées par les aspects enseignement de la physique que les gens qui n'ont pas de lien avec la physique pour voir ce que ça peut donner, cette application de réalité augmentée. Alors, c'est une invitation qu'on lance donc aux gens qui nous écoutent, qui ont envie un peu d'aller explorer tout ça. Et de votre côté, en même temps, j'imagine que les prochaines étapes, c'est de voir de quelle manière aussi on l'intègre et quel impact ça peut avoir sur l'apprentissage. Est-ce que effectivement ça marche? Est-ce qu'effectivement, après une session, deux sessions, on se retrouve avec des meilleurs résultats en physique, par exemple, au collégial? C'est absolument ça. On souhaite aussi au travers de cette application expérimenter davantage sur la réalité augmentée, mieux comprendre sa plus-value, où est-ce que elle peut apporter un plus dans l'apprentissage. Donc nous, on souhaite que l'application soit utilisée dans les cours et puis d'avoir des retours d'expérience pour à la fois peut-être améliorer les choses ou mieux cibler la manière dont la réalité augmentée est mise en œuvre pour vraiment faciliter l'apprentissage, mais aussi, si possible, améliorer la compréhension et améliorer les résultats. Et Sylvie Daniel, donc professeur au département des sciences géomatiques à l'Université Laval, merci. Merci beaucoup. Et Tania, ben en fait, je relance un peu l'invitation. En fait, je pense que ça va être très agréable justement parce que c'est vraiment un atelier, c'est pas une conférence. Donc, c'est l'occasion d'aller expérimenter avec ce jeu-là. Il y aura des iPads sur place. Les gens vont arriver et vont essayer donc parallèle et vont faire l'apprentissage de ces concepts de physique-là avec en plus les étudiants des cours du Cégep Sainte-Foy qui les ont également intégrés. Là. Donc, il y aura un accompagnement qui sera fait sur place par ces gens-là et par les créateurs de l'application. Alors, c'est le mercredi 8 mai à 19h. C'est au Cercle sur la rue Saint-Joseph-Est et c'est gratuit, c'est entrée libre. Alors, l'invitation est lancée. Oui, mais ça donne vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Raymond Poirier, merci beaucoup. On peut aller sur le site de l'ITIS pour avoir plus de détails et pour réentendre les chroniques. Oui, itis.ulaval.ca.